passe pas la question. Il faut juste ta tête de con. Et après tes séquelles, t'arrives même plus en rire. Des pâtes et brilles. Jeanne Veille, c'est notre proprio. La vieille, on est.